Exercice 5, page 52. A. Elle est très belle. B. Elle est très laide. C. Elle est très fière. D. Elle est très seule. E. Elle est très jeune. F. Elle est très neuve.